couché sur les épaules de papa, pour voir plus loin et dire ce que je vois. Je fais le grand, avec lui je suis fier, même si le soir est rempli de mystère. La nuit a tendu son manteau d'étoiles, et mes yeux se perdent dans sa grande voile. Mon esprit s'envole, le ciel s'émerveille, de nouvelles étoiles en couleurs s'éveillent. Je dis oh, oh, oh, oh. Je dis oh. En rouge et or dessine des lampions, que c'est joli au-dessus de nos têtes, ces étoiles bleues qui filent faire la fête. Comme par magie elles refont l'espace, jettent des couleurs et puis les effacent. J'ouvre grand la tête levée pour me souvenir de rien oublier. Je dis oh, je dis oh. Un instant, après l'on va danser. Je reste avec les grands, et puis Manon est là, c'est elle que j'attends. Ce soir il fait très beau, je l'aime, et j'ai 8 ans. Si je pouvais en attraper plusieurs pour les offrir comme on offre des fleurs à ces adultes trop sérieux d'être grands, que leurs yeux brillent comme ceux des enfants. Les dernières étoiles comme la Voie lactée s'allument en cascade et forment un bouquet. Celui-là c'est sûr, et pour les mamans, le rêve prend fin, applaudissement. Je dis oh, oh, oh, oh. Je dis oh, oh, oh, oh. Je dis oh, oh, oh, oh. Je dis oh. Oh, oh, oh, oh. Je dis.